La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors salut tout le monde, bienvenue, c'est la Croche-Oreille, édition du dimanche 28 avril 2019. Alors je vous propose ce soir une sélection de parutions récentes dans le monde des arts sonores du Québec autour des étiquettes ambiance magnétique et microclimat, des étiquettes qui mixent la plupart du temps des expérimentations sonores au sens brut du terme et des variations musicales en marge des lieux communs de la musique. On parle de lutherie inventée, d'improvisation spontanée, d'arythmie musicale. Bref, je lance ça sans plus tarder avec une pièce tirée d'un album magnifique intitulé « Paysage imaginaire ». C'est un album concocté par Pierre-Luc Lecourt avec la complicité de Charlotte Layec qui est à la clarinette basse. C'est un album qui est très inspiré, je dirais, et qui tisse des ponts entre des sonorités de paysages bien réels, du field recording, comme on dit. On entend des sonorités de garde-train, cloche d'église, forêt, vent, orage, bon, et j'en passe, et combiné à des enregistrements de clarinettes basses, de guitare électrique et de synthé. Pierre-Luc Lecourt est un compositeur, artiste multidisciplinaire et basé à Montréal. Charlotte Layec, pour sa part, clarinettiste établie à Montréal, dont le parcours musical est remarquable. C'est une interprète, notamment au sein de l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors, je vous propose une pièce intitulée « Accalmie ». C'est tiré de l'album « Paysages imaginaires » et on le souhaite, ou on la souhaite, cette accalmie à tous ceux qui sont frappés par la montée des eaux. Vous venez d'entendre une pièce qui s'intitule Accalmie. C'est tiré de l'album Paysages imaginaires de Pierre-Luc Lecourt. C'est paru sur étiquette Microclimat. Vous allez retrouver ça sur la plateforme Bandcamp. Tortue Vapeur, quel titre évocateur. C'est le nouveau projet de Martin Tétrault et de Susanna Hood. C'est une primeur parce que l'album va être lancé le 2 mai prochain, donc dans les prochains jours. Il s'agit d'une collaboration de longue date, de deux amis de longue date qui sont donnés la liberté d'un terrain de jeu sonore. Comme deux enfants, disent-ils, sans âge, nous expérimentons à la manière d'un garage band dans lequel aucun de nous deux revêt un rôle précis par rapport aux jouets et aux instruments à notre disposition. Je ferme les guillemets. Susanna et Martin ont synchronisé les fréquences de leur passé respectif pour créer, disent-ils, des paysages sonore teinté de nostalgie qui existe quelque part hors du temps. Là encore, comme dans le cas de Pierre-Luc Lecourt, cette belle idée du paysage sonore. On écoute See in a Box. Ma Alors, une belle pièce magnifique du dernier album, tout récent album, en tout cas apparaître dans quelques jours, intitulé Tortue Vapeur, un projet de Martin Tétrault et de Susanna Hood. Je vous propose maintenant une pièce tirée encore d'un bel album récent intitulé Fleurs de Chaos. C'est du collectif HMMH, quatre initiales pour quatre artistes réputés, talentueux et passionnés d'expérimentation sonore et musicale. Et j'ai nommé Johan Etu, Pierre-Yves Martel, Émilie Mouchous et Carl Ludwig Hubsch. On raconte à propos de l'ensemble HMMH LMH, qu'il se veut un laboratoire de pratique musicale qui combine, vous allez l'entendre, des voix humaines, des instruments à vent et de la lutherie électronique. C'est une plongée dans un univers musical et sonore où se côtoie une instrumentation inusitée. Et on parle de viol de gambe, harmonica, tuba, synthétiseur, sax, alto et objets de toute nature qui se manifestent au rythme d'impro, d'improvisation à la fois contrôlée et tout à fait libre. Je reprends les termes du collectif Etu, Martel, Mouchous, Hoobs, Fleur de Chaos, j'ouvre les guillemets, là, Fleur de Chaos est un fleuve sonore en perpétuel changement, souvent étonnant et parfois même étrange, une poétique sonore qui repose sur l'énergie intense de chaque artiste. Je referme les guillemets. On écoute ensemble la création intitulée Pause innocente. C'est performé par Joanne Etu, Pierre-Yves Martel, Émilie Mouchous et Karl Ludwig Hubsch. C'est du collectif HMMH. Thank you. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, le 89.1, c'est la Croche-Oreille qui vous propose ce soir une sélection de parutions récentes dans le monde des arts sonores du Québec, surtout autour des étiquettes ambiance magnétique et microclimat, des albums récents que vous allez retrouver facilement sur les plateformes actuelles CD et Bandcamp, comme cette dernière pièce qu'on vient d'entendre intitulée « Pause innocente », tiré de l'album Fleurs de chaos du collectif HMMH. Alors, on prend une pause promotionnelle et je vous reviens. CKRL. Communication. Culture. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, pour amorcer la seconde demi de l'émission, je vous propose un titre assez évocateur, enthousiasme viscéral, un album au titre étonnant qui donne le ton à ce duo de cordes expérimentales concoctées par Émilie Girard-Charret et Sergio Castrione. On dit de l'album qu'il est façonné de joie radieuse et de romantisme exacerbé, la joie étant peut-être du côté d'Émilie et le romantisme du côté de Sergio. Belle question à laquelle je n'ai pour l'instant aucune réponse. Alors, cela dit, Émilie Girard-Charret est violoncelliste, compositrice et improvisatrice. Elle a plusieurs enregistrements à son actif, dont un album qui s'intitule « Émilie préfère le chant ». Ça a été lancé en 2016 sur l'étiquette Ambiance Magnétique. Des pièces qu'on a pu entendre à l'émission l'année dernière ou il y a quelques mois en tout cas. Sergio Castrione, quant à lui, est compositeur, violoncelliste de formation classique. Ses travaux se sont concentrés depuis une dizaine d'années sur le violoncelle solo et le violoncelle électronique. Il a flirté avec la performance, la danse contemporaine, le théâtre, théâtre, la poésie, les arts visuels, tout ça au Québec, en Amérique du Sud et en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur la documentation qui accompagne ce bel album. Alors, tiré de l'album Enthousiasme viscéral, on écoute le chant numéro 4 de Castrione et Charret. quelle exploration bruitiste, quelle exploitation du violoncelle de la part d'Émilie Gérard-Charret et de Sergio Castrillone. Une pièce qui s'intitule « Chant numéro 4 ». C'est tiré de l'album « Enthousiasme viscéral » et l'enthousiasme, il est plutôt là. Alors, je vous propose maintenant une pièce tirée du récent album du WIM Ensemble. C'est formé d'Offer Peltz et de Preston Beebe. C'est des Montréalais. C'est un album intitulé Pré-Fall, qui exploite le piano préparé, c'est son originalité, et les percussions, voilà. Ils ont créé une œuvre progressive, Pels et Bébé, élaborée à partir d'un noyau thématique, on pourrait dire un motif de base, pour être plus précis, qui est transformé via différentes techniques de construction sonore ou d'invention sonore, si vous voulez, la coupure nette, le collage, la boucle, l'inversion, toutes ces stratégies qui nous permettent de construire des œuvres avec le son et l'ensemble conditionné par leurs inspirations spontanées, caractéristiques, s'il en est, de l'improvisation. Alors, on écoute une pièce qui s'intitule 4-0 et c'est tiré de l'album Pre-Fall. Alors, on termine le parcours de Nouveautés Québec avec un album plus ou moins attendu, je dirais, intitulé Punt. Ça a été lancé en mars dernier, 2019, un projet collaboratif créé par Éric Dorion, artiste sonore et commissaire réputé, et Guillaume Cliche, artiste et compositeur de sonorités électroacoustiques notamment. Alors, pour vous mettre ça en contexte, Punt, c'est le phonème signifiant, entre autres, le botté de dégagement au football américain. C'est la source d'inspiration de cet album, truffé de sonos qui flirtent avec la pop, le new age et le noise très modéré, pour reprendre leur expression. C'est un album très new age, étonnamment, quand on connaît l'intérêt d'Éric Dorion pour la musique intense. Et il y a tout de même un penchant pour des rythmes élastiques, nous confient les deux créateurs. Donc, on écoute deux pièces intitulées Pinte, comme pinte de lait, et Houston. Thank you. Alors voilà ce qui achève la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités d'Éric Dorion et de Guillaume Clich, un album intitulé Punt. Cela dit, je vous retrouverai la liste des pièces entendues ce soir ainsi que toutes les émissions en balado pour écoute sur le site La Croche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore à Croche-oreille. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue au devant, des paysages imaginaires de Pierre-Luc Lecourt. Alors, bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La Croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.